baïonnettes. Ils sont cachés derrière les arbres. Un volontaire pour m'accompagner. Alors, on va trouver leur chef. Ils sont comme ça ici. Si on tue leur chef, on est un gros comme des lapins. Le capitaine Gabard a retrouvé l'usage de la parole. Passez-moi votre fusil, commandant. Vous ne savez décidément pas vous en servir. J'ai toujours préféré les épées. Je suis désolé, Christian, de ne pas vous avoir écouté. J'aurais aimé avoir tort cette fois-ci. Vous croyez que Gabard va réussir à passer? Qu'il passe ou non, il y a peu de chances qu'aucun de nous ne survive. Ils voudront peut-être nous faire prisonniers. Il est préférable qu'ils nous tuent, croyez-moi. Comment est-ce qu'on va vous dire quelque chose? Quand vous aurez épuisé vos munitions, Camille, par avant. Oui, et oui, mais... Vous priez en latin? Le père Théochim nous répétait que les prières ne sont exaucées que si elles sont dites en latin. Mais c'est faux, ça marche aussi en breton. C'est quoi? L'Épître aux Hébreux, quatrième partie. Ça n'a pas été écrit en grec initialement? Si, mais je ne m'en souviens plus. J'ai fait un choix. La Bible en latin, Homer en grec. Ah, c'est une bonne idée ça, je vais prier Homer. Vous n'avez pas de munitions ailleurs, il n'y a plus rien dans votre pochette de ceinture. Qu'est-ce que vous récitez tous les deux? L'Odyssée chandise, Christian est sur le Nouveau Testament. Formidable! Christian, Christian! Ils arrêtent! Ils ont fui! J'ai fini les gars! Regardez! Gabard revient avec des hommes armés! Ils sont même en cheval! Mais c'est la cavalerie, ma parole! Christian, répondez-moi! Allez, bon, messieurs! Allez, c'est bon, moi! Comment va-t-il? Plutôt bien. La plaie est nette et la balle avait l'air propre quand je l'ai retirée. Il dort? Je crains de l'avoir un peu assommé avec l'alcool de votre mère. C'est l'eau de vie de cidre de Madame Kemener, sa voisine. Sans doute le meilleur antiseptique à l'ouest de Guingamp. Je vous confie, Christian, il faut que je vérifie ce qui se trame entre Gabard et son nouvel ami. Ne le laissez jamais seul. Vous comprenez? Je n'aime pas du tout la tournure que prennent les événements. Vous avouerez que l'arrivée de cette troupe était providentielle. C'est un chasseur d'esclaves, Camille. Il y a une vingtaine d'hommes attachés par les mains et par le cou à quelques mètres de cette tente. Certains sont si maigres qu'ils tiennent à peine debout. Et Gabard a l'air de s'entendre à merveille avec l'escogriffe qui dirige le convoi. Je crois qu'il lui a livré lui-même l'un de nos assaillants en cadeau. C'est déplorable, j'en conviens, mais nous n'avons rien à voir avec ça. Nous avons tout à voir avec ça. Tout est ma faute. Si nous allions continuer vers le sud... Corentin, j'ai toujours quelque chose d'important à vous dire. Vous vous souvenez? Il faudra attendre encore un peu. À l'heure qu'il est, ils sont peut-être en train de négocier Christian et les porteurs qui restent contre quelques munitions ou une défense d'éléphant. Le commerce est notre passion. Depuis 10 générations, d'Oman au Cap et de Téhéran à Saint-Louis, ma famille se consacre à la noble cause de la circulation et de l'acheminement des biens entre les peuples. Je vous resserre du thé? Non, merci. Mais vous travaillez pour ce type ou pour le sultan Barish, Barouche? Le pouvoir du sultan Bargash bin Saïd ne s'étend pas si loin de Zanzibar. Type, quant à lui, est un grand marchand qui veille à la bonne circulation des convois. Nous lui devons beaucoup, mais on ne peut pas définir nos relations comme une forme d'allégeance. Le seul roi chez nous, c'est le commerce, toujours le commerce. Je vois. Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez me garantir la contrepartie que j'ai en tête. Dites toujours, général Gabard, vous pourriez être surpris par l'étendue de mes capacités. La balle n'a fait que traverser. Vous aurez juste une petite étoile une fois la plaie cicatrisée. Une jolie image pour raconter l'aventure à vos enfants. Merci, Camille. Vous êtes décidément une femme d'action. Je vous revois hier après-midi, couverte de poussière et le fusil à la main. Vous ne craignez jamais rien. Je n'ai jamais été aussi terrifiée. Où allons-nous maintenant? Qui dirige cette expédition? Et que va-t-il se passer si Corentin met son projet fou à exécution? Vous avez peur pour lui? Peut-être. Vous l'aimez? Vous aviez raison. Nous avons des points communs, vous et moi. Je suis désolée de vous avoir traité avec mépris, Christian. Ce n'est pas votre faute si vous venez d'une civilisation inférieure, intellectuellement et moralement. Aucun blanc ne m'avait jamais regardé comme un frère, avant Corentin. Corentin ne regarde rien ni personne comme les autres blancs. Vous m'expliquerez ce que vous disiez l'autre soir à propos de Spinoza? Ah, Spinoza. Cela risque d'être long, et je crains que nous n'ayons plus beaucoup de temps. J'ai une bonne nouvelle. Brieux vient nous assister dans notre entreprise. Entrez, Kergadec. Lui avez-vous expliqué que votre entreprise le conduirait très probablement à la mort? Je suis conscient des risques, mais je pense comme le capitaine Tréguier. Nous n'avons pas le choix. Camille? Vous voulez savoir si je décide de vous suivre ou de me rallier à Gabar? Oui. Sérieusement? Oui. J'aimerais seulement comprendre ce qui vous pousse à accomplir ce geste absurde. Les hommes que nous allons libérer mourront dans la forêt ou seront repris en quelques jours. Et après eux, il y en aura d'autres, et d'autres encore. Vous sembliez satisfait de n'être pas grand-chose. D'où vous vient cette envie soudaine d'avoir une fin héroïque? Vous n'êtes même pas vraiment chrétien. Si, je suis chrétien. Mais vous priez Homère. Homère me semble pertinent quand on est confronté à un voyage périlleux, non? Cela n'a rien à voir avec la religion. Je suis chrétien, comme tout le monde. Enfin, tout le monde est chrétien. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça. J'ai toujours été effrayé à l'idée de prendre une décision ou d'enfreindre une règle. J'ai choisi la carrière militaire car je savais que je n'y battrais pas d'un cil sans qu'un supérieur ne m'en ait donné l'ordre. Depuis que j'ai 12 ou 13 ans, j'ai fait semblant d'accepter l'idée d'être un faible, un raté. J'ai patiemment attendu qu'il m'arrive quelque chose. Vous avez changé, capitaine, depuis qu'on est arrivé en Afrique. C'est vrai qu'au début, on vous trouvait tous un peu... Merci, Kyriadek. C'est justement où je voulais en venir. Cela s'impose à moi depuis que nous sommes arrivés sur ce continent, que nous sommes enveloppés par cette nature, que nous faisons face à ces visages. Je ne suis pas très clair, n'est-ce pas? Vous êtes incompréhensible. Tant mieux. Je ne vous demande pas de me comprendre, mais de me faire confiance. Nous allons attendre encore 3 heures pour agir, juste avant le changement de garde. Christian, vous serez nos oreilles et nos yeux. Avec Kyriadek, nous sectionnerons les liens qui entravent les captifs. Bien. Et vous, Camille, vous leur distribuerez de la nourriture. Puis, nous les séparerons en 4 groupes pour qu'ils fuient dans autant de directions opposées. Et ensuite, quand ils se seront enfuis? Nous retournerons dans nos tentes et nous dormirons jusqu'au matin. C'est très simple comme plan. C'est pour cela qu'il ne peut pas échouer. Cette fois, je le sais, nous n'allons pas échouer. Ces hommes sont une honte pour l'armée française, une honte pour notre patrie. Regardez-les, soldats, et voyez notre véritable ennemi. L'indiscipline, la vanité, l'orgueil qui les ont conduits à contester la hiérarchie de nos valeurs. Oh, les valeurs du capitaine Gabar. Aucun d'entre nous n'est surpris par la trahison de cette femme, ni de cet indigène, qui n'a appris notre langue et nos manières que pour nous tromper. Mais qu'un officier de la marine nationale subordonne l'un de ses soldats pour spolier notre sauveur, et donc notre allié, en détruisant sa propriété, est un acte d'une extrême gravité. En détruisant sa propriété? Nous avons sauvé des hommes maintenus en esclavage au mépris de dizaines de lois et du respect élémentaire de la dignité humaine. Épargnez-nous votre catéchisme, Tréguier, et ne parlez pas de loi. On est en France, ici? Pas encore. En Angleterre? Toujours pas. Vous ne vous intéressez pas réellement à cette terre. Vous n'en avez rien à faire de ces hommes qui y vivent depuis des siècles. C'est comme ça que ça marche, ici. Et si vous aviez un peu plus de bon sens, ça vous aurait sauté aux yeux. Il faut des Hamad, il faut des rois Mponzu, et il faut des noirs à vendre pour faire fonctionner le machin. C'est la première des lois qui est respectée. Celle de la nature. J'aurais dû vous faire fusiller à Lucoleta. Évidemment. Vous êtes un abruti, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tréguier Corentin, en vertu de l'article 19 du Code de la Marine, vous êtes destitué de votre grade de lieutenant de vaisseau et reconnu coupable des actes de sédition, de trahison, de mise en danger de votre régiment et de destruction de la propriété d'autrui. Geryadec Brieux, vous êtes destitué de votre grade d'enseigne de vaisseau et reconnu coupable de désobéissance et de trahison. Vous êtes tous deux condamnés à être exécutés par fusillade. Quoi ? La sentence prend effet immédiatement. Fruchard, préparez un peloton. Et prévoyez des balles pour les deux civils aussi. Rien dans le code de la marine ne vous donne ce droit. Intéressant. Qui va témoigner ? Les quatre rescapés de votre expédition désastreuse qui vont rentrer chez eux vivants grâce à moi ? Vous voyez des inspecteurs des armées, peut-être ? Dans les arbres ? Ouh ! Ouh ! Inspecteur ! Suis-je bête ? Ils sont bien au sec dans leur bureau, place de la Concorde, à plus de 2 000 lieues d'ici. Vous êtes vraiment un connard. Rio, ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est vraiment un connard. Vous pouvez m'éclairer sur la signification exacte du mot connard ? Eh, les linguistes, je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Une fois que vous aurez payé votre dette à la patrie, nous allons repartir avec Monsieur Hamad vers la côte. Pour réparer votre félonie, nous allons l'aider à reconstituer son stock. Une fois en France, je rapporterai au ministre votre mort tragique, dans une attaque de sauvages, ainsi que la découverte du corps décomposé de Delécluse. Vous abandonnez notre mission ? Vous n'allez pas chercher le professeur Delécluse ? Il est mort, votre professeur. Ou alors c'est devenu un babouin, ce qui revient au même. Si vous voulez mon avis, ça a toujours été un singe, comme tous ceux qui passent leur vie à regarder comment la Terre tourne pour écrire des bouquins. Capitaine, ça va être compliqué pour le peloton, nous n'avons plus une seule munition. Aucun d'entre nous. Demandons à Monsieur Hamad, je suis sûr que ces hommes... Là. Non, je ne gaspillerai pas 4 balles pour ces renégats. Ils m'ont fait perdre assez d'argent comme ça. Il y a plus simple pour nous débarrasser d'eux. Le sabre ? Attachez-les à un arbre et laissez la forêt faire son œuvre. Ils seront notre offrande aux esprits des lieux. Ma'ashetan. Une coutume locale. Ça doit vous plaire, Tréguier. Préparez vos hommes. Nous levons le camp immédiatement. Twendini. Twendini. Yala. Vous avez entendu le seigneur Hamad ? Fouchard, attachez-les. À vos pactages. On déserte cet endroit maudit. Compagnie, formez les rangs. Deux rondes, deux. Tu parles d'une compagnie. Désolé, Brio, j'aurais jamais pensé qu'on se quitterait comme ça, mon vieux. On peut jamais savoir. Augustin, tu veux bien nous faire un nœud de caplage qui soit pas trop dur à enlever ? Je nous laisse ni armes ni vivre. Faudrait quand même nous donner une petite chance, non ? Richard ! Il est bientôt fini, ce nœud ? Affirmatif, mon capitaine ! Appelez-moi commandant. Je viens de monter en grade. Bien, commandant. Compagnie ! En avant ! Marche ! Pourquoi souriez-vous, Corentin ? Vous avez presque l'air heureux. Mais je suis heureux. Nous avons sauvé 25 hommes cette nuit. C'est la plus belle chose que j'ai jamais faite. Et maintenant, je suis seul avec vous. Nous allons mourir. Et on ne peut pas tout avoir.